Marshall sur Active France. Avec son titre Écrit l'histoire, je pense que c'est un petit peu ce qu'il a fait, il a écrit l'histoire. Et on ne l'oubliera jamais, notre Grégory National. À suivre les années 80 avec Lou and the Hollywood Bananas, ça sera les petites rues de Singapour que je vous propose, ou encore Oléono arrive tout de suite avec Attitude. Maxi France, vous avez des souvenirs, nous avons les sons qui vont avec.